السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب aujourd'hui faute de temps on ne va ne prendre qu'un seul hadith. La dernière fois on a pris hadithain, on avait pris le hadith de Anas dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment obtenir du rizq. بقوله من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. Que celui qui aimerait voir sa subsistance s'accroître et son temps de vie augmenter, qu'il entretienne les liens de parenté. Ou dans le hadith deuxième qu'on a pris de Abu Moussa, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab, que l'homme est avec celui qu'il aime. Non. Aujourd'hui, on prend un seul hadith qui est الحديث الخامس وثمانون 85 حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا استوى على بعيره خارجا للسفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعث السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجعنا قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté par Ibn Omar, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'installait sur son chameau pour son voyage, il faisait trois fois le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il disait que soit purifié celui qui nous a assujetti cela alors qu'il n'était pas en mesure de le dompter. Et certes, nous revenons vers notre Seigneur. Ô Allah, nous te demandons dans ce voyage l'obéissance et la piété, la crainte, et des œuvres que tu agrées. Ô Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis sa distance. Ô Allah, tu es le compagnon dans le voyage et tu es le remplaçant dans la famille. Ô Allah, je recherche refuge auprès de toi de la difficulté du voyage et de la tristesse et de la mauvaise conséquence dans les biens et dans la famille ainsi que l'enfant. Et il disait, lorsqu'il revenait de son voyage, il disait les mêmes paroles en rajoutant nous revenons, nous nous repentons à Abidoul, c'est-à-dire en tant qu'adorateur, pour notre Seigneur, et le louant, apporté par Muslim. Donc là, il s'agit d'un hadith qui nous enseigne un dua à prononcer lorsque l'on entreprend un voyage. Il y a des ulama qui ont divergé par rapport à ce hadith, qui ont vu que ce hadith, yani ce dua, ou plutôt ce zikr, naam, on le prononce à chaque fois que l'on prend une monture, même quand ce n'est pas un voyage. Mais lorsqu'on voit l'apparence de ce hadith, on y voit qu'il s'agit là du voyage. Donc ce qui paraît comme étant le plus probable, c'est que ce zikr n'est valable que pour le voyage. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ce hadith regroupe beaucoup de fawaïd concernant les bienfaits de ce bas monde et la préparation pour l'au-delà. Pour attirer le bien et repousser le mal. Et qui nous rappelle de remercier Allah Azawajal pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Ces bienfaits qui sont indénombrables. Que si jamais vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire, tant ils sont indénombrables. Taïe. Yaqul fi qawlihi, iza istawa ala rahilati musafiran kabbara thalathan. Donc ils disent que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'installait sur sa monture pour voyager, Il faisait trois fois le takbir. هو افتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك. Donc c'est le fait, c'est l'ouverture de son voyage en faisant le takbir et en faisant les éloges d'Allah Azawajal, tout comme il le faisait à son retour. Ça veut dire il commençait le voyage par cela et le finissait par cela. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Purifié soit celui qui nous a assujetti cela, alors que nous n'étions pas en mesure de le contrôler, de le dompter, de le maîtriser. Et certes, c'est vers notre Seigneur que nous revenons. فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائبة للبلاد النائية عفوا والأكثر الشاء والأكثر الشاسعة واعتراف بنعمة الله بالمركوبات. Donc ce dua, ou plutôt ce zikr, il comporte les éloges que l'on fait envers Allah Azzawajal pour nous avoir permis de pouvoir justement contrôler ces montures, celles qui transportent les charges ainsi que les personnes vers des contrées lointaines et les longues distances. Et cela pour reconnaître les bienfaits d'Allah Azzawajal par ce bienfait qui est justement la monture. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية فكلها تدخل في هذا. Et cela, ce hadith, bien qu'il ait été cité concernant la monture, cela est valable pour tout moyen de transport, qu'il s'agisse de base des chameaux, des dromadaires, même des bateaux, des avions et tout, le train, le car, la voiture, la moto, tout ce qui nous permet de pouvoir nous déplacer. Tout moyen de locomotion, en fait, rentre dans ce hadith. Ou même les gens qui aujourd'hui se déplacent encore avec des animaux, ça existe toujours. Des gens qui se déplacent à cheval, des gens qui se déplacent sur les dromadaires, sur les ânes, il y en a encore même au Yémen. Tout moyen de locomotion par lequel on entreprend un voyage rentre dans ce hadith. Le jugement est général. لهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها. C'est pour cela que Nuh alayhi salam, il avait dit justement aux gens qui sont montés dans l'arche avec lui, lorsqu'il le déluge, dans le sens où Allah dit, et montez-y au nom d'Allah qui l'a fait avancer. C'est-à-dire c'est Allah azawajal qui fait avancer justement cette arche. Et qui l'a fait voguer. Surat Hud, verset 41. Donc tous ces moyens de transport, de locomotion, sont en réalité des bienfaits qu'Allah Azawajal nous a accordés. Et il dit وَفِهِ تَذَكُّرْ الْحَالَةِ اللَّتِي لَوْلَا الْبَارِ لَمَا حَصَّلَتْ وَظُلِّلَتْ فِي قَوْلِهِ وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ. Et ensuite, dans le dua, on y trouve que ces choses-là, on doit reconnaître et admettre que c'est Allah qui nous les a données, qui nous a permis de pouvoir les employer, les utiliser, sans quoi nous n'étions pas en moyen de le faire. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْلِنِينَ. C'est-à-dire que nous n'étions pas en mesure de pouvoir, par exemple, un animal, si ce n'est pas Allah qui l'a laissé, qui l'a rendu docile, tu n'aurais rien pu faire avec lui. Il y a des animaux, par exemple, vous le connaissez, ils sont domptables, on peut les enfourcher. Et dans la d'autres, ce n'est pas possible. Le chameau, tout à fait possible. Le dromadaire, les chevaux, ainsi de suite. Mais il y a des animaux, ils sont indomptables. Le zèbre, tu ne pourras pas. Le taureau, tu ne pourras pas. D'accord ? C'est des animaux que Allah ne t'a pas permis de pouvoir monter. Et d'autres, alhamdoulilah, même un enfant peut monter dessus. L'animal, il est tout à fait docile et sociable. Donc on doit remercier Allah Azzawajal, car s'il avait voulu, on n'aurait même pas pu approcher l'animal. Regardez la taille d'un dromadaire. S'il n'était pas docile, tu ne pourrais même pas l'approcher. Tant il est gros, il pourrait être agressif. D'ailleurs, quand un chameau se met en colère et veut charger ou faire du mal, tu ne pourras pas l'arrêter. Et malgré cela, Allah a fait que même un enfant peut monter dessus et le contrôler. Donc cela ne nous revient pas à notre force et à notre savoir, mais c'est Allah qui nous l'a permis. Même la voiture, même les avions. Qui est-ce qui a permis que l'avion puisse planer dans les cieux et voler? Alors qu'à la base, l'homme ne peut pas voler. Le bateau qui vogue sur la mer, sur les flots, qui a permis que cela puisse se produire? C'est Allah Azzawajal. Sans quoi on n'aurait pas pu le faire. C'est Allah qui nous a donné la possibilité de pouvoir fabriquer tous ces engins, même ce que les gens font comme fusée pour aller dans l'espace. Tout cela, c'est Allah qui nous l'a permis. Mais l'homme est devenu orgueilleux et hautain. Et il s'imagine qu'il a découvert des choses par lui-même. Et Allah, il y a que Allah Azzawajal, le Kitab al-Karim, Iqra, bismillahi khalaq, بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Celui qui a créé l'homme d'une adhérence, d'une goutte. Et qui a créé la plume et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc tout cela, ça vient que d'un savoir que Allah nous a prodigué, nous a donné. Sans quoi nous n'avons rien. Vous savez qu'on est sorti du ventre de nos mères, dans le verset, on ne savait rien du tout. C'est Allah qui nous a tout enseigné. Donc tout cela, on doit le remercier. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît normal. D'ailleurs, quand la voiture tombe en panne, elle se plaint, on se plaint. Quand il y a telle et telle chose, on se plaint. Alors qu'à la base, ce sont des bienfaits d'Allah Azzawajal. Et si Allah voulait, nous ne fonctionnerait même pas. Donc il ne faut pas qu'on s'imagine que c'est normal, tout cela. Ou qu'on nous le doit. Oui, si tu as pris un service d'un homme en payant un billet ou quoi, tu te dois d'avoir ton service rendu par rapport à la compagnie aérienne ou par rapport à la compagnie ferroviaire ou par rapport voilà quoi, le moyen de transport que tu vas employer, si jamais tu as payé pour, oui, tu vois. Mais sans quoi, le moyen de transport en lui-même, d'accord, c'est une chose que Allah nous a accordée par sa grâce. Sans quoi, nous serions incapables de pouvoir nous dépasser. وفي هذا الحديث التذكر بالسفر الدنيا الحسي إلى السفر الآخرة المعنوي. Et dans ce dua, on y trouve l'invocation à donner pour le voyage, c'est-à-dire le voyage que l'on fait en ce bas monde, et le voyage que l'on prépare pour l'au-delà également. Lorsque l'on dit وَإِنَّا إِلَّا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, certes, c'est vers notre Seigneur que nous reviendrons. Et là, nous reviendrons pourquoi? Après la mort, nous allons retourner vers Allah Azzawajal, car c'est de lui. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait venir sur terre, et c'est vers lui que nous allons revenir pour être jugés. وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. Et dans ce hadith, on dit également, dans ce dua, ô Allah, nous te demandons dans ce voyage la bonté ainsi que la crainte. De l'obéissance et la crainte. Et les œuvres que tu agrées. C'est-à-dire que ce voyage, on doit l'entreprendre dans le halal. Et on demandera à l'Azhar de nous apporter le tawfiq, de pouvoir justement n'agir que dans le bien lors de ce voyage. Car combien de gens font entreprendre des voyages pour du mal, pour faire du haram, ou par des moyens haram et autres. Et lorsque le musulman y part, il entreprend un voyage qui est halal. Pour des raisons qui sont légiférées, qui sont permises. Et dedans, il n'oublie jamais qu'il est un musulman. Même s'il part pour un voyage d'affaires, de commerce ou autre, il n'oublie pas qu'il est un musulman. Donc il doit se tenir aux règles de la religion et toujours chercher à plaire à Allah Azzawajal dans son comportement, dans ses paroles, dans ses faits et gestes et dans toute forme de rapport avec les autres. Oui, tu as une raison de partir, mais cette raison de partir ne t'empêche pas de te rappeler qui tu es. Que tu sois un homme riche ou modeste ou autre, que tu partes en Umrah ou que tu partes pour un commerce, que tu partes pour maintes raisons, n'oublie pas qui tu es et demande toujours à Allah Azzawajal de t'apporter le tawfiq et de bien te comporter. Yaqul thumma Allahumma hawwin hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'dahum. Ô Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis-nous sa distance. لأن السفر قطعة من العذاب فأسأل تهوينه والطيب بعيدة. نعم. والطيب بعيدي. نعم عفوا. وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيد لهم من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير ومن الطريق ومأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. Donc, dans un hadith, c'est venu que le voyage est une part du châtiment. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le voyage est une parcelle du châtiment. Parce que les voyages, en réalité, sont extrêmement fatigants. Aujourd'hui, pourtant, on a des moyens extrêmement confortables. L'avion, c'est très confortable. Les bateaux, maintenant, sont devenus peut-être plus luxueux que nos maisons. Hein? Tout cela, c'est confortable. Et malgré cela, en voyage, on est dans une démarche qui est fatigante. Et que dire de ceux qui étaient avant nous? Que dire de ceux qui étaient avant nous? Aujourd'hui, des fois, on prend l'avion, la clim ne marche pas, ou je ne sais quoi, et je ne sais quel problème. Avant, ils partaient sur des montures, ils partaient à pied. Je ne sais pas si vous réalisez. Il y a des gens, ils n'ont jamais connu les pays où il y a le désert, ou ce genre de choses. Quand vous êtes au Yémen, vous voyez des fois, on fait des distances, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, que du désert, que du sable. Une fois, ça m'est arrivé... Deux fois même, ça m'est arrivé que le car il tombe en panne en plein désert. À un lieu où il n'y a pas de réseau. De avant Vor jusqu'après le Maghreb. Les femmes avec des enfants, tout le monde dehors. Le car ne marchait plus. Un endroit totalement abandonné. Et là, on se rend compte vraiment des bienfaits d'Allah Azzawajal. On se dit, subhanallah, avant les gens, ce parcours-là, là, on avait encore une route qui était goudronnée. Mais avant, on se dit, avant, les gens marchaient, là, telle distance qu'on a fait à pied, ou sur un chameau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chameau, ou plutôt un dromadaire avec une bosse. À quoi ça ressemble? L'analyser et te dire, est-ce que je pourrais tenir dessus, ne serait-ce que 5 minutes? Eh bien, tenez dessus des heures. Des heures. Et même au Yémen, quand on se déplace, il n'y a pas de train. Quand on se déplace, c'est en car ou en voiture. Donc, ce sont des distances, des fois, des voyages de minimum 6 heures, 7 heures, 8 heures pour aller d'un marquise à un autre. C'est de longues distances. De longues distances. Et des fois, c'est, comme je dis, c'est des endroits où il n'y a personne. S'il y a un problème, Mama'ak illallah azawajal. Tu n'as que Allah. Tu n'as même pas de réseau pour téléphoner pour dire à quelqu'un qui vient te chercher. Les gens ne savent pas où est-ce que tu seras. Donc là, on se rend compte. D'accord? On se rend compte un petit peu de ce ni'am. Et malgré tout, ça reste toujours confortable par rapport aux gens qui étaient avant nous. Donc, dans ce Doha, on demande à Allah Azzawajal de faire que la distance à parcourir nous paraisse plus courte, pour arriver plus vite. D'ailleurs, il est vu dans un hadith, mais dont le degré d'authenticité est à revoir, que Allah Azzawajal yatoui al-ard fil layl. Alaykum bisay laylan fa'inna al-ard tantawi. Il a dit, le Nabi Salam, il a encouragé de faire des voyages de nuit, car la terre se plie, c'est-à-dire la distance paraît plus courte. La terre se replie. D'accord ? Vous voyez, quand vous prenez une chose, vous la pliez, eh bien, ça paraît plus court. Dans ce hadith, il dit que la distance parcourue la nuit paraît plus courte. Et également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté qu'il aimait partir le jeudi, faire les voyages, le jeudi. Et on rappelle, pour ceux qui écoutent, que le voyage, il a des règles. Il a des règles, tant pour les hommes que pour les femmes, et principalement pour la femme, qu'elle ne peut voyager sans mahram. Et ici, c'est une chose qui est trompeuse ici, parce que des femmes, elles conduisent, elles font des distances, elles ne se rendent pas compte que c'est une distance qui, en réalité, est un voyage. Ou elles prennent le train, et comme c'est rapide et confortable, également, elles ne se rendent pas compte que c'est un voyage. Donc, ce genre de distances ne sont pas permises à ce qu'elles les parcourent seules, sans mahram. Donc, il faut faire attention à ça. Car ici, c'est trompeur. C'est trompeur. Et puis en plus, ici tout le monde voyage. Les femmes voyagent seules, normal, je parle des kafiras, donc les femmes ne se rendent pas compte, ça leur paraît normal, alors qu'à la base, c'est un voyage. D'accord? Partir en Umrah, en Hajj, s'il n'y a pas de mahram, cela ne l'a pas permis. Aujourd'hui, il y a des fatawas qui, certains ulamas qui le permettent, mais cela contredit l'adillah. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yihillu l'imra'atin tu'minu billahi wa l'um l'akhir, an tusafir illa bizi mahram. Qui n'est pas permis à une femme qui croit en Allah au jour dernier d'entreprendre un voyage, si ce n'est avec un mahram. Et dans une version d'une distance qui est d'une demi-journée. Et ainsi de suite. Donc même pour la Umrah, la femme veut faire une adoration, on ne fait pas une adoration bâtie sur un péché. C'est comme quelqu'un qui te dit, moi je vais au Mosdit, je vais voler une voiture pour aller pour aller faire la salat en groupe. C'est pas marcoul. Ou quelqu'un qui dit je vais voler pour faire une sadaqa. Et ben une femme qui va voyager seule pour aller faire la umra, elle n'a pas le droit de le faire. Et pareil le hajj. Bien que son hajj, les ulama disent que son hajj sera valide, mais elle n'aura pas la récompense de celui qui aura fait un hajj sans transgression et qui reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Un hajj mabrour. Qui sera parti sur une base qui est mauvaise. Et elle repartira sur une base qui est mauvaise. Et je peux vous dire, quand j'ai fait ma umra à Mecca, on en a vu. Et les frères qui sont guides là-bas, ils me disent, plein de femmes, plein de sœurs, elles viennent sans mahram. Et c'est normal. Et bien là-bas, c'est pas normal. Après, une fois qu'elles sont venues, tu ne peux rien faire. D'accord? Tu ne peux pas les renvoyer ni rien du tout. Elles sont là. Donc quitte à ce soit là, autant les protéger un minimum pour pas aggraver la situation. Mais à la base, il faut que les sœurs arrivent à comprendre cela, même si elles ont envie de partir, qu'elles partent, mais selon les règles, avec un mahram. Ensuite, il dit وَلِهَذَا قَالَ فِي تَحْقِيقِ تَهْوِينَ السَّفَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَى السَّفَرَ أَيْ مَشَقَّتِهِ وَصُعُوبَتِهِ. Donc c'est pour cela, ensuite, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en demandant, en recherchant refuge auprès d'Allah, contre les difficultés du voyage. Car les voyages, même si, comme on l'expliquait tout à l'heure, ils paraissent comme étant faciles et confortables, en réalité, ils sont durs. Quitter sa demeure, et surtout quand cela dure longtemps, ou sa famille, cela est toujours pesant. D'accord? C'est toujours pesant. Et également, les tristesses que cela provoque, et les soucis. Surtout quand on part et on laisse nos familles seules. Car on se dit, subhanallah, en notre absence, qui pourra gérer la chose correctement et les protéger autant que possible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on demande à Allah qu'il les préserve. Qu'il préserve nos familles. D'ailleurs, dans le hadith, il le dit, il le répète dans le dua, Allahumma attends, il est où la partie? Attends, Allahumma anta sahib fi safar wal khalifa fi l'ahl. Oh Allah, tu es le compagnon dans le voyage, c'est-à-dire que Allah Azzawajal est avec toi, d'accord, par son savoir et sa protection. Et également le khalifa fi l'ahl, que Allah Azzawajal protège ta famille en ton absence. Allez, wal khalifa fi l'ahl, de sorte que tout se passe bien en ton absence dans ton foyer. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره بيزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Donc ensuite, au retour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répétait ce même zikr en rajoutant, dans le sens revenant et repentant et en tant que serviteur à notre Seigneur en le louant. Donc c'est un dua également. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré de voyage, il commençait par se poser dans le masjid pour que les gens viennent le voir avant d'entrer chez lui. Il faisait deux rakats dans le masjid et ensuite il rentrait chez lui. Donc c'est une sunna pour ceux qui partent en voyage, lorsqu'ils reviennent, d'aller dans le masjid dans lequel ils font salat, y faire deux rakats avant d'entrer chez eux. Maintenant, on sait, par exemple ici en France, les masjids sont fermés. Le masjid, il est loin, il est pas sur ton trajet. Mais là, c'est surtout dans les gens qui vivent dans un lieu où le masjid est à proximité et il reste ouvert. Et ça, généralement, c'est dans les pays d'islam. Ici, c'est une sunna qui sera très difficile à appliquer. Et même si elle était applicable, elle est difficile. Souvent, on est tellement pressé de rentrer chez nous qu'on oublie. On oublie de le faire. Et ce qui prouve que celui qui agit de la sorte, qui est mouafak pour faire cela, que même dans son voyage, il n'oublie pas ses adorations. Il n'oublie pas son Seigneur. Autant que possible. Naam. Tayyib. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme hadith. Je m'excuse, j'en ai pris qu'un seul. Faute de temps. Et Biznella, le prochain sera samedi normalement. Et il y aura demain soir Arba'in Nawawiyya. Arba'in Nawawiyya. Biznella Ta'ala. Naktafi bihada al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.